En vertu du droit inaliénable qu'a tout peuple de disposer de lui-même, je proclame solennellement, en ce jour béni du 7 août 1960, l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Peuple de mon pays, laisse éclater ta joie. Quel peuple plus que toi mérite cette joie? Tu as souffert plus que tout autre, en patience longtemps. Mais ta souffrance n'a pas été vaine. Tu as lutté, mais pas inutilement, puisque la victoire, tu la connais aujourd'hui. Ce besoin de dignité que tu portais en toi, le voilà enfin satisfait. Tu es libre et avec fierté, tu entres dans la grande famille des nations. Le 11 août à Fort-Lamy, le premier ministre tchadien, François Tombalba.